إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons un nouveau cours concernant l'ouvrage Kun Salafiyan ala al-Jadda du Cheikh Abdelsalam Al-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Et nous sommes toujours dans le chapitre numéro 9 qui s'intitule موقف السلف الصالح من المبتدعة. La position des pieux prédécesseurs vis-à-vis des innovateurs. Puis l'auteur, حفظه الله, dit: وروى أيضا يعني الإمام اللالكائي وروى أيضا عن قتاده أنه قال يا أحول يعني اسم رجل إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حَتَّى تُحْذَرْ. Donc l'imam al-Lalakai rapporte dans Sharh Usul al-I'tiqad al-Sunnah wal-Jama'ah d'après Qatada rahimahullah qu'il a dit: ô Ahwal, l'homme d'un homme, lorsqu'une personne invente ou ramène une innovation, il est un devoir de la cité, c'est-à-dire de prévenir, de mettre en garde les gens pour que les gens soient avertis. وعن الحسن قال أهل الأهواء بمنزلة اليهود والنصارى يعني من جهة تمسكهم بما هم عليه وتركهم السنن لا أنهم كفار. Donc الحسن رحمه الله dit: les adeptes de la passion, de l'innovation, sont au même stade que les juifs et les chrétiens. En annotation, le cheikh dit, c'est-à-dire d'un point de vue du fait qu'ils se rattachent à leur passion en délaissant les sunnas, non qu'ils sont mécréants. C'est-à-dire que dans leur attachement à leur idéologie, à leurs opinions, ils ressemblent aux juifs ou chrétiens qui eux aussi sont rattachés à leurs opinions et à leur idéologie. Wa qala Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس بضلالة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. Le calife, le grand calife de l'islam, Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, il dit: si tu vois des gens se retirer, se mettre à l'écart de la masse pour discuter de leur religion à l'abri du regard des gens, c'est-à-dire en secret, alors que c'est la religion dont il est question, alors sache qu'ils sont en train de fonder un égarement. Ils sont en train de ramener une chose qui n'existe pas dans la religion. Comme les assises secrètes que font des tendances et des mouvements, et qu'ils parlent entre eux, ils sont en train de préparer des choses qui sont contraires à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Wa qala Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, ma farihtu bi shay'in min al-islami ashadda farahan bi anna qalbi lam yadkhulhu shay'un min hadhihi al-ahwa. Le grand compagnon Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhuma, dit: jamais je n'ai eu une joie dans l'islam plus grande que d'avoir été à l'abri, que mon cœur a été préservé de recevoir une quelconque passion, que son cœur a été préservé, que les passions ne sont pas entrées dedans. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا يعني مفصل الإصبع فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. Le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه dit: viendront des gens qui délaisseront de la sunna de la taille d'une partie du doigt. C'est-à-dire, c'est tout petit. Au début, c'est comme ça. Il délaisse une chose qui, aux yeux des gens, n'est pas grande. Ce n'est pas trop grave pour certains. Mais, si on les laisse, si on ne fait rien pour les faire revenir à la droiture, les faire revenir à la sunna, qu'ils délaissent ses erreurs et ses égarements, alors ils viendront avec la grande catastrophe. Ceci ressemble au récit de ces personnes qui se réunissaient pour le dhikr à l'époque de Abdullah ibn Mas'ud même, radiallahu anhu, dans la ville de Kufa. Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, entre dans la mosquée de Kufa en Irak et il voit des gens former des petits cercles. Et au milieu de chaque cercle, il y a un homme, un meneur, avec des pierres pour compter. Et il dit, dites Subhanallah 100 fois. Dites Alhamdulillah 100 fois. Et les gens répètent Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Abu Musa al-Ash'ari, il est étonné. Cette façon de faire le dhikr, il ne l'a jamais vu auparavant. Mais il préfère laisser le reproche qui leur sera fait par quelqu'un de prioritaire sur lui, qui est l'émir de Al-Kufa et qui est le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud. Donc il va à la demeure de Abdullah ibn Mas'ud, puis il l'informe de ce qu'il a vu, et Abdullah ibn Mas'ud veut voir de ses propres yeux. Il entre dans la mosquée, il avait couvert son visage avec le turban pour pas qu'on le reconnaisse, et lorsqu'il a vu la scène, il a découvert son visage et il a dit: je suis Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Soit vous avez trouvé un chemin meilleur que celui de Muhammad, ou alors vous avez ouvert une porte de l'égarement. Délaissez ce que vous êtes en train de faire et je prie Allah que vous ne perdez pas vos hasanat. Le responsable a dit: ô Abu Abdurrahman, nous avons voulu par cela que le bien. Et Abdullah ibn Mas'ud de lui dire: et combien en voulant le bien ne l'atteignez pas? Vous avez commencé à faire cela, c'est-à-dire à dévier, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. C'est tout récent, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses vêtements ne sont pas encore usés et ses ustensiles ne sont pas encore cassés. Le rapporteur de ce récit, qui est dans Sunan al-Darimi, rahimahullah, il dit: ces gens qui participaient à ces assises, on les a tous vus nous combattre à la bataille de Nahrawan. C'est-à-dire que lorsque le Khawarij, cette secte, est apparue et ils ont levé l'arme contre les Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, et qu'il y a eu la bataille de Nahrawan entre Ali, radiallahu anhu, et les musulmans avec lui contre le Khawarij, le rapporteur a dit: tous ces hommes, ils étaient dans les rangs des Khawarij. Les ulama, ils disent: regardez, ils ont commencé à dévier par ces assises. Et au final, ils n'ont pas voulu revenir. Ils se sont retrouvés dans le camp des Khawarij. Qu'Allah nous en préserve. وَلَمْ يَكْتَفِي أَئِمَّةُ السَّلَفْ بِالرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ بل حذروا الناس من مجالستهم والاستماع إلى كلامهم. Et les imams, parmi les pieux prédécesseurs, ne se sont pas contentés seulement de réfuter, de répondre aux adeptes de l'innovation et de l'égarement, mais plus que ça, ils ont demandé aux gens de ne pas s'asseoir avec eux et de ne pas écouter leurs paroles. فقد روى الدارمي رحمه الله وابن بطة رحمه الله عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. Donc les deux imams الدارمي وابن بطة العكبري رحمهما الله rapport d'après الحسن. Quand on dit الحسن, il est voulu الحسن البصري rahimahullahu ta'ala, le grand tabi'i, il disait, ne vous asseyez pas avec les gens de la passion et ne polémiquez pas avec eux et ne les écoutez pas. Wa qad rawa al-ajurri wal-lalaka'i rahimahumallah an al-hasan aydan rahimahullah anna rajulan ataahu faqal ya aba sa'id inni uridu an ukhasimak. فقال الحسن إليك عني فإني عرفت ديني وإنما يخاصمك الشاك في دينه. Et les deux imams Al-Ajurri et Al-Lalaka'i رحمهم الله rapportent aussi, toujours d'après Al-Hasan Al-Basri رحمه الله, qu'un homme est venu le voir, est venu à sa rencontre et il lui a dit, ô Abu Saïd, le surnom de Al-Hasan al-Basri, ô Abu Saïd, je veux te confronter, je veux avoir une discussion avec toi, une polémique. Et Al-Hasan lui a dit, éloigne-toi de moi, car moi je connais ma religion et ne discutera ou ne polémiquera avec toi que quelqu'un qui doute dans sa religion. Quelqu'un qui est dans le doute et qui cherche la polémique soi-disant pour y chercher une certaine vérité, car il n'est pas sûr de lui sur le chemin dans lequel il est. Et ça ressemble aussi au récit de l'imam Malik, rahimahullah, lorsqu'un homme est venu le voir et il lui a dit, « Ya, ô Malik, je veux te confronter, je veux discuter avec toi. » Et l'imam Malik, rahimahullah, lui a dit, « Et qu'est-ce qui se passe si jamais tu gagnes dans la confrontation, dans la polémique ?» Et il lui a dit, « Tu devras me suivre. » Et il lui a dit, « Si c'est moi qui gagne. » Il lui a dit, je te suivrai. Et il lui a dit, si nous deux, on rencontre quelqu'un encore plus fort dans la polémique. Et il lui a dit, on devra le suivre. Alors l'imam Malik lui a dit, donc, notre religion, elle peut changer du jour au lendemain. Va vers quelqu'un qui est dans le doute comme toi, car je suis sur une certitude de ma religion. Wa an Ismail ibn Kharija, قال, دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين رحمه الله فقال يا أبا بكر كنية محمد بن سيرين رحمه الله فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث قال لا قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا وقال تقومان عني وإلا قمت فقام الرجلان فخرج فقال بعض القوم ما كان عليك أن يقرأ آية فقال إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. Et d'après Ismaïl ibn Kharija rahimahullah, qui rapporte que deux hommes parmi les gens de la passion sont entrés chez Muhammad ibn Sirin, le grand tabi'i rahimahullah. Et ils lui ont dit, ô Abu Bakr, qui est son surnom, on veut te citer un hadith du prophète, sallam. Il leur a dit, non, vous me citez aucun hadith. Et ils lui ont dit, on va te réciter un verset coranique, un verset du livre d'Allah. Il a dit, non, et c'est soit vous vous levez et vous partez, ou c'est moi qui va me lever et qui va partir. On ne peut pas rester ensemble. Les deux hommes se sont levés, ils sont partis. Ils ont quitté l'assemblée. Des personnes qui étaient présentes, ils ont dit à Mohammed ibn Sirin, et il est où le mal qu'il te récite un verset? Pourquoi tu ne les as pas laissés réciter un verset? et Mohammed ibn Sirin de dire j'ai eu peur qu'il me récite un verset en l'altérant, en lui changeant quelque chose, et que cela reste gravé dans mon cœur. Ils vont me parler, ils vont me réciter des choses, mais il se peut parmi les choses qu'ils vont me donner, il y a quelque chose qui va rester ancré dans mon cœur, je ne veux pas. Donc, ils ont quitté l'assemblée. وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدُ رَحِمَهُمَ اللَّهِ فِي السُنَّةِ عَنْ أَبِي قِلَابَةِ رَحِمَهُ اللَّهِ قَالْ لَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُخَالِطُوهُمْ فَإِنِّي لَا آمَنُوا أَنْ يَغْمِسُوكُمْ فِي ضَلَالَاتِهِمْ وَيُلَبِّسُوا عَلَيْكُمْ كَثِيرًا مِمَّا تَعْرِفُونَ. Et Abdullah ibn al-Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahumullah rapporte dans son ouvrage As-Sunnah d'après Abu Qilaba rahimahullah qui dit: ne vous asseyez pas avec eux et ne restez pas avec eux, car je ne peux pas vous garantir, il se peut qu'ils vous fassent tremper dans leur égarement. Il n'y a aucune garantie. Si tu prêtes oreille, assise avec les gens de la passion, tôt ou tard, ils peuvent te donner des égarements, des innovations et qui vont rester dans ton cœur. Combien de personnes ont vécu ce problème ? Ils étaient tranquilles dans leur esprit. Ils se sont assis avec des gens de la passion. Ils sont rentrés chez eux perturbés. Ils ne savent même plus le vrai du faux. La sunna de la bid'a. Et après, quel travail qu'il faut accomplir pour leur enlever ces ambiguïtés. Et parfois, on ne peut même pas les enlever, ces ambiguïtés. Alors que la personne avant, elle était à l'abri de cela. Donc, il dit, je ne peux pas garantir à la personne qu'elle soit trempée dans leurs égarements ou qu'ils lui embellissent le mal qu'ils ont. فهذه بعض الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال سلف الأمة أهل الديانة والتقى وأهل الزهد والورع. Donc voici dans ce qu'on a vu précédemment des hadiths nobles prophétiques et des citations des pieux prédécesseurs de cette communauté parmi les gens de religion et de piété, les gens de l'ascétisme. إضافة إلى ما تقدم من الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. Et bien qu'on a vu aussi dans précédemment l'ordre de suivre la sunna et l'interdiction d'innover, جاءت مصرحة بجواز الطعن على الأهل البدع. Et donc tous ces récits nous clarifient bien qu'il y a la permission de critiquer et de réfuter les adeptes de l'innovation. وَبَيَانُ حَالِهِمْ لِلنَّاسِ, et de démontrer leur état aux gens. بَلْ عَدَّهُمْ ذَلِكَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ أَلَّتِي لَا يَقُومُ الدِّينُ إِلَّا بِهَا. Mais plus encore, les textes ont considéré cela comme une obligation, un devoir pour que la religion soit préservée, pour que les gens soient tranquilles dans leur religion. Imaginez-vous qu'une personne soit touchée par une maladie qui est contagieuse. Et toi, tu le sais qu'elle est contagieuse. Et les gens s'approchent de cette personne. Mais tu ne dis rien. Puis le temps y passe et tout le monde attrape la maladie. Puis on dit à ces gens, cette personne, il était au courant. Et il savait que cette personne, elle avait une maladie contagieuse. Mais il ne vous a rien dit. Ils vont lui en vouloir ou pas ? Ils vont lui en vouloir. Ça, c'est pour une maladie qui touche le corps. Tu es touché par une maladie, ce n'est pas une question de paradis ou d'enfer. Parce que tu as subi une maladie. Alors, dis comment dire pour la religion d'Allah. Une personne qui est éloignée de la sunna, du chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tu sais que si des gens s'assoient avec lui, il va les prendre avec lui, les introduire dans son chemin, et toi, tu dis rien. Tu fais comme si tu n'as rien vu. Et ces gens, les pauvres, quittent le droit chemin pour le mauvais chemin. Tu n'as pas une certaine responsabilité là-dedans ? Taïb. وأن ذلك من باب الجهاد في سبيل الله. Et ceci entre dans le chapitre du combat dans le sentier d'Allah. يوازي من حيث الشرف. Il l'égale dans sa noblesse. ونبل المقصد جهاد الأعداء بالسيف والسنان بل يترجح على ذلك. Donc dans la noblesse et dans l'objectif du combat contre l'ennemi avec l'épée, mais ce combat-là, il va même au-dessus. Il est bien plus important. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dit, et de même il en est pour les imams de l'innovation, les maîtres de l'innovation, parmi ceux qui ont des graves erreurs dans leurs opinions dogmatiques, qui sont en contradiction avec le livre et la sunna, et qui ont des actes d'adoration qui sont en contradiction avec le livre et la sunna, de dévoiler leur état et d'avertir la communauté contre eux est un devoir, une obligation, et il y a là-dessus le consensus des musulmans. Jusqu'à qu'il a été dit à l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, une personne qui jeûne, qui prie et qui fait la retraite pieuse, l'i'tikaf, c'est mieux pour toi qu'il fasse ça ou qu'il avertit contre les gens de l'innovation. Et l'imam Ahmed de dire, si il fait la prière, il jeûne et il fait l'i'tikaf, ça c'est pour sa propre personne, c'est que pour lui, c'est que lui qui est gagnant là-dedans. Mais s'il vient à avertir contre les gens de l'innovation, alors là, il y a un bien pour tous les musulmans. Ceci est bien meilleur. فَبَيَّنَا أَنَّ نَفْعَ هَذَا عَامٌ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ مِنْ جِنْسِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Donc il a bien démontré que le bénéfice qui découle de cette mise en garde est un bien pour tous les musulmans dans leur religion, et ceci ressemble au combat dans le sentier d'Allah. إِذْ تَطْهِيرُ سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينِهِ وَمِنْهَاجِهِ وَشِرْعَتِهِ وَدَفْعِ بَغْيِ هَؤُلَاءِ وَعُدْوَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. Car de purifier le chemin d'Allah, sa religion, son chemin, sa législation, et de repousser les transgressions de ces personnes et l'attaque de ces personnes contre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est un devoir pour une partie de la communauté, et là-dessus il y a le consensus des musulmans. Wa laula man yuqimuhu Allah li daf'i darar haula la fasada ad-din. Et si Allah n'avait pas mis des hommes pour préserver sa religion et mettre en garde contre l'égarement et l'innovation, alors la religion aurait été corrompue. Wa kana fasaduhu a'zam min fasad istila' al-adu min ahli al-harb. Et cette corruption, elle sera plus pire, plus grave que l'entrée des armées ennemies en terre islamique. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا. Car l'ennemi, lorsqu'il entre en terre d'islam, il ne corrompt pas les cœurs des musulmans en premier. Il a le dessus d'un point de vue physique. Mais intérieurement, les gens, ils ont leur religion. Mais peut-être que certains vont la quitter, mais plus tard, mais pas au début. Donc, au début, ce n'est pas la religion qui est corrompue. Wa amma ulaik fa yufsiduna al-qulub ibtida'an. Alors que les autres, leur attaque, elle corrompt les cœurs dès le début, en premier lieu. Wa qala rahimahullah fi mawdi'in akhar. وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله. Et dans un autre passage, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit: et s'il y a un innovateur qui appelle à des croyances contraire au livre et à la sunna, et qu'on craint qu'il égare les gens avec cela, alors il faut clarifier aux gens son état pour être protégé de son égarement et pour qu'ils sachent la réalité de la personne. Et ceci, il est un devoir que cela soit appliqué comme conseil. Le but qui est recherché lorsqu'il y a la mise en garde, lorsqu'il y a la réfutation, c'est le conseil qui est donné. Wabtira wajhillahi ta'ala. Et en cela, on ne recherche que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, on cherche à plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. On le fait pour Allah sincèrement. La liha wa shakhsi ma'al insan. Ce n'est pas pour un problème personnel, financier ou autre avec cette personne. Pour une autre raison, tu en profites pour aller mettre en garde ou réfuter la personne. Que ce ne soit pas ça ton intention et ton objectif. مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض. Comme par exemple qu'il y ait entre les deux personnes une animosité d'un point de vue mondain, ou alors de la jalousie, ou alors un quelconque détestement, ou alors il y a une confrontation entre les deux pour prendre de la présidence ou pour prendre le dessus. فَيَتَكَلَّمْ بِمَسَاوِيهِ مُظْهِرًا لِلنُّصْرِ. Et tu vois cette personne parler du mal qu'a cette personne, mais en réalité, en se faisant passer pour quelqu'un qui veut le conseil, وَقَصْدُهُ فِي الْبَاطِنِ الْغَضُّ مِنَ الشَّخْصِ. Alors qu'au fond de lui, l'objectif qu'il a, c'est de rabaisser la personne. وَاسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ. Et de prendre un plaisir à nuire à cette personne. فَهَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. Ça, c'est une action de shaitan. Il ne faut pas que la personne soit poussée par ces objectifs-là qui ne sont pas sains et bons. فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على منهاجهم قد انعقد إجماعهم على ذم البدع وأهلها. Donc les pieux prédécesseurs parmi les compagnons et les tabi'in et ceux qui les ont suivis convenablement dans leur même chemin, il y a eu chez eux le consensus, il y a eu l'unanimité sur le fait de réprimander les innovations ainsi que leurs adeptes. Et la mise en garde contre les innovations et leurs adeptes. Et en cela, il y a le suivi du livre et de la sunnah. Donc il est un devoir de suivre ses pieux prédécesseurs en dans cela. عاشراً من منهج السلف الرد على المخالف. Un nouveau chapitre parmi ce qui entre dans la voie des pieux prédécesseurs, c'est de réfuter celui qui va en contradiction. Donc, les ulama de toute époque, lorsqu'ils considèrent que quelqu'un a écrit un ouvrage, quelqu'un a dit des choses qui sont contraires à la vérité, il répondait et il réfutait contre cette erreur. Soit ces erreurs, ce sont des erreurs qui font sortir du droit chemin. Et donc là, c'est une réfutation contre une idéologie de la passion et de l'innovation. Et même entre eux, entre ulama de la sunna, sur des questions dans le fiqh ou autre, si, dans les branches de la religion, si le savant considère que l'opinion, la vie de l'autre n'est pas bonne, eh bien, rien ne lui empêchait de réfuter et même d'écrire une réfutation à cette opinion. Mais là, c'est une réfutation qui reste au sein de Ahl Sunnah. Pourquoi j'ai précisé cela ? Parce qu'il y en a qui pensent que le fait qu'on est dans le droit chemin, personne n'est en droit de réfuter l'autre s'il considère qu'il est dans l'erreur. En pensant que c'est ça la voie de l'islam. Non. Et les sahaba, radiallahu anhum, n'agissaient pas ainsi. Car la vérité, elle est au-dessus de tout le monde. Et le alim, il appelle les gens à suivre la vérité, à suivre le Coran et la sunna. Lui-même n'est pas la vérité. Il appelle à la vérité et il prêche la vérité. Mais il se peut qu'il commette une erreur dans son enseignement, dans son effort de réflexion. Et il en a conscience pour le savant qui est en face de lui. Donc, lorsque ce savant réfute celui-là, celui-là, d'un côté, il le remercie. Parce que ça prouve qu'il n'y a pas de suivi aveugle entre eux. Mais que celui qu'on doit suivre complètement, ceci n'est donné qu'à une seule personne. C'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul qu'on ne peut pas rejeter ses paroles. C'est le seul qu'on ne peut pas réfuter ses paroles. Sinon, c'est sortir de la sunna du prophète, alayhi sallatu wa sallam. Et c'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah, il dit, il n'y a pas une personne qui dise une parole et on peut réfuter et rejeter sa parole. Sauf celui qui a enterré là. Et il a montré avec son doigt le tombeau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il enseignait dans la mosquée du prophète, alayhi sallatu wa sallam. Sauf celui qui a enterré là. C'est celui, on ne peut pas. Mais tous les autres, s'il considère qu'il n'est pas dans le vrai, il le réfute. Il dit en annotation, وَهُوَ أَصْلٌ مُتَقَرَّرٌ عِنْدَ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Et c'est un fondement reconnu chez les adeptes de la sunna et du consensus. وَيَعُدُّونَهُ مِنْ بَابِ النَّصِيحَةِ. Et ils le considèrent, ils le font entrer, de réfuter celui qui va en contradiction dans le chapitre du conseil. وَقَدْ دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ. Et le livre d'Allah et la sunna du prophète sallam et le consensus des savants de l'islam prouvent cela. وَهُوَ الرَّدُّ عَلَى الْمُخَالِفِ. Et c'est de réfuter celui qui va en contradiction. وَلِمَزِيدِ مِنَ التَّفْصِيلِ فِي هَذَا الْبَابِ. Et pour plus détailler ce chapitre, pour celui qui voudrait plus s'instruire là-dessus, وهو الرد على المخالف dans ce domaine là ينظر في الكتاب القيم الموسوم بمنهج اهل السنه والجماعه في نقد الرجال والكتب والطوائف. Et donc de revenir à l'ouvrage qui s'appelle La voix des gens de la sunna et du consensus dans la critique des hommes des livres et des tendances, le cheikh al-allama docteur Rabi ibn Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى. والكتاب القيم للدكتور بكر أبو زيد رحمه الله الرد على المخالف من أصول الإسلام. Notre ouvrage du docteur Bakr Abou Zayd رحمه الله de répondre ou de réfuter celui qui va à l'encontre fait partie des fondements de l'islam. Donc il dit إنه من المتقرر عند أئمة السلف رحمهم الله الرد على المخالف. Donc il est connu chez les imams des pieux prédécesseurs, rahimahumullah, parmi les règles, il y a de réfuter, de répondre à celui qui va à l'encontre. Wa sawa'un kana al-mukhalif min ahli as-sunnati wal-jama'a. Même si celui qui a contredit fait partie des gens de la sunna et du groupe, comme on a vu. Mais il dit en annotation, lakin in kana al-muntaqad min ahli as-sunnati wal-jama'a wa akhta'uhu في الأمور التي لا تخل بالعقيدة فهذا تذكر ميزاته وحسناته تغمر زلاته في نصرته les sunnah. Donc, si la personne critiquée ou à qui il a été fait une réfutation fait partie des gens de la sunnah et du groupe, il a oublié? Ah, une cynique blanche. Une cynique grise, quelqu'un a oublié ses vitres ouvertes. Non. Donc si celui à qui la réfutation a été faite fait partie des gens de la sunna et du groupe, et que ses erreurs sont dans des questions qui ne nuisent pas à la croyance et au dogme, celui-là, on peut citer ses bonnes actions et ses bonnes positions et son secours donné à la sunna et ses bonnes actions viennent à prendre le dessus sur ces quelques erreurs qu'il aurait commises. Amma in kana al-muntaqad min ahli ad-dalal fala yajuz lana an nadhkura hasanatihi. Mais si celui à qui on a réfuté, celui qui est critiqué, fait partie des gens de l'égarement, alors là, il n'est pas permis, au moment où tu mets en garde contre lui, au moment où tu réfutes ses opinions et ses idées, il ne t'est pas permis de citer des bonnes choses de sa part ou des bonnes actions qu'il aurait accomplies ou le bon côté qu'il aurait. Tu n'as pas le droit de le faire car ce n'est pas un moment de faire la balance entre ses bonnes et ses mauvaises actions. Non, c'est un moment de réfutation, c'est un moment de mise en garde car sinon le public ne pourra pas comprendre ce que tu veux dans tes paroles. Et ils peuvent même comprendre qu'en fin de compte, la personne, il n'y a pas de mal à l'écouter ou à le suivre. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-muazanat. Et les gens de l'innovation, il y en a même qui vont le rendre obligatoire. Qu'à chaque fois que tu critiques un égaré ou un innovateur ou que tu le réfutes, il faut qu'au même moment, tu cites ses bons côtés, tu cites ses bonnes actions. Ça, c'est une règle qui ne se trouve ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans la voie des pieux prédécesseurs. Min kalam al-Sheikh al-Allama al-Doktour Salih al-Fawzan, hafidhahullah. Là, cette annotation qu'on vient de voir, c'est pris des paroles du grand savant Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Wa sawa'un kana al-mukhal min al-Sunna wal-Jama'a. Donc, même, on revient au texte. Même si celui qui a été en contradiction fait partie des gens de la sunna et du groupe. Khalafa fi mas'alatin fiqhiyya. Il a contredit dans une question de fiqh. Ou aqadiyya, dans le dogme. Ou kana al-mukhalif min ahli al-bid'ah. Ou que la personne qui a été en contradiction fait partie des innovateurs. Quelle que soit la personne, celui qui en a connaissance, il est en droit, il a la permission de réfuter et de contredire. ولا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه. Et il n'est pas une obligation pour celui qui fait la réfutation ou la critique de citer les bonnes actions ou les bons côtés de celui qui a été réfuté. أو الموازنة بين الحسنات والسيئات. Ou alors, il n'est pas obligé aussi de faire la balance ou de la peser entre les bonnes et les mauvaises actions de la personne. فَقَدْ مَدَحَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَسَوِيهِمْ. Allah, dans le Coran, on retrouve des passages du Coran où Allah fait les éloges des croyants. Fait les éloges des croyants. Mais il ne cite pas leur mauvais côté ou leur péché. Alors qu'ils en ont. Mais à ce moment-là, Allah ne cite que les bons côtés et les bonnes actions des croyants. وَقَدْ حَذَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ دون التفات الى ما فيه من حسنات. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a mis en garde avant même qu'ils arrivent contre les gens de la passion qui vont venir sans faire attention aux bons côtés ou aux bonnes actions qu'ils pourraient avoir. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب اشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم من باب النصيحه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, il lui est arrivé de citer les défauts, les erreurs de certaines personnes bien précises, sans citer et sans préciser leurs bons côtés ou leurs bonnes actions. Pourquoi ? Parce que c'était un moment de conseil. C'était un moment de conseil. فعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قالت يعني عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. Donc dans le Bukhari et Muslim, d'après Aïcha, la mère des croyants, radiallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset, dans le sens du verset, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre dans lequel s'y trouvent des versets clairs qui ne prêtent pas à équivoque et d'autres ambigus qui prêtent à équivoque. Les premiers, ce sont des versets qu'on ne peut les comprendre que d'une seule manière, que dans un seul sens. Et les autres, on peut les comprendre comme ça, comme on peut les comprendre comme ça. Mais les ulama ont des règles pour donner la véritable signification. Ceux qui ont une déviance, une maladie dans leur cœur, suivent, s'arrêtent sur les versets qui prêtent à équivoque. En faisant cela, ils ne recherchent que la discorde et ne recherche que son interprétation, alors que ne connaît son interprétation que Allah. Et ceux qui sont versés dans la science, ceux qui ont beaucoup, beaucoup de science, ils disent, nous y croyons en tout. En tous ces versets, on y croit, car tout ceci provient de notre Seigneur et ne se rappelle que les dotés de raison. Aïcha radiallahu anha dit, après avoir cité ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Lorsque tu verras ceux qui suivent, ceux qui prêtent à équivoque, ceux qui s'arrêtent sur ceux qui prêtent à équivoque, voilà ceux qui ont été nommés par Allah dans le verset. Voilà ceux qui ont été nommés par Allah, alors méfiez-vous d'eux. » Wa an Abi Hurayrata radiallahu anhu qal, سيكون في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لا تسمع بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم مقدمة مسلم. الإمام مسلم رحمه الله rapporte dans son introduction de son صحيح d'après le compagnon Abdurrahman ibn Sakhr qui est Abu Huraira رضي الله عنه qui dit à la fin des temps sortiront des personnes, apparaîtra des personnes qui vous parleront, qui vous ramèneront des propos que jamais vous n'avez entendus auparavant, ni vos ancêtres. Ni vous, ni vos parents, ni vos ancêtres n'ont entendu ces choses-là. Alors faites attention à eux. Méfiez-vous d'eux. Wa ma'loumun anna ahl al-bid'a la yakhlouna min mahasin. Il est connu que les gens de l'innovation, obligatoirement qu'ils ont, ils ont des bons côtés. Obligatoirement, si on cherche, on va trouver des bons côtés. Il faut la trouver, la personne qui n'a même pas un bon côté, subhanallah. Donc, ils en auront. فَلَمْ يَلْتَفِتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَيْهَا. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'en a pas tenu rigueur. Il n'en a pas tenu rigueur. Là, il conseille sa communauté. وَلَمْ يَقُلْ إِسْتَفِيدُ مِنْ مَحَاسِنِهِمْ. Et il n'a pas dit, mais quand même, profitez du bien qu'ils ont. Ou prenez le bien qu'ils ont. قال البغوي في شرح هذين الحديثين الإمام البغوي رحمه الله dit en explication de ces deux hadiths qu'on vient de voir. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور أهل الأهواء والبدع فيهم وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق والنهي عن الهجران فوق ثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة والعشرة دون ما كان في حق من الدين فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. Donc l'imam al-Baghawi, rahimahullah, dit, et le messager d'Allah, sallam, le prophète, alayhi sallam, a informé de la division qu'il y aura dans cette communauté et l'apparition des adeptes de la passion et des innovations. Et il a jugé ceux qui seront sauvés parmi tous ces gens, ce seront ceux qui suivront sa sunnah et la sunna de ses compagnons. Donc, la personne musulmane, lorsqu'elle rencontre une personne qui s'adonne au suivi de la passion et des innovations avec conviction, ou qui a de la négligence sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se doit de s'en éloigner. Et il se doit de le désavouer et de le délaisser vivant et mort. Il ne le salue pas lorsqu'il le rencontre, il ne répond pas à son salam jusqu'à qu'il délaisse son innovation et qu'il retourne à la vérité. Et l'interdiction de ne plus parler ou de ne plus saluer son frère de plus de 3 jours, il y a les textes qui parlent de cela. Ceci concerne les problèmes entre des personnes dans le domaine de l'amitié, la fraternité, dans les domaines mondains. C'est dans ces questions-là. Dans ces questions-là, il t'est interdit de couper les liens avec ton frère plus de 3 jours. Des gens ont pris ces hadiths pour les rentrer même dans le domaine religieux, même avec les innovateurs, et ça, c'est une mauvaise compréhension de leur part. Ceci tant que ce n'est pas un droit religieux. Car là, lorsque les gens ça donne à la passion et à l'innovation, alors là, de se séparer d'eux, ceci reste et constant jusqu'à qu'ils se repentent. هذا بالنسبة للتحذير من أهل الأهواء والبدع. Ceci concerne la mise en garde contre les gens de la passion et de l'innovation. وأما بالنسبة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين بدون ذكر محاسنهم. Mais en ce qui concerne le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم a cité les défauts, les erreurs de personnes bien précises sans parler de leur bon côté, sans citer leur bon côté, on va le voir. Les hadiths précédents concernent les gens de la passion et de l'innovation d'un point de vue général. فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. عائشة رضي الله عنها rapporte qu'un homme a demandé la permission de rentrer chez le prophète صلى الله عليه وسلم. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم l'a vu, il a su c'était qui cette personne. Il a dit: quelle mauvaise personne que celui-là, que cette personne, cet homme de cette tribu. قال القرطبي رحمه الله. Et le hadith, il est dans البخاري. قال القرطبي رحمه الله في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة. الإمام القرطبي رحمه الله dit dans ce hadith, il en ressort la permission de médire sur les pervers ouvertement. Ceux qui font la perversité ouvertement, ils ne s'en cachent pas. Ils font le mal, la turpitude ouvertement. La personne, elle se doit d'avoir de la pudeur. Et une personne qui fait un mal ou un péché en cachette, personne ne le voit, c'est grave. Mais c'est moins grave que celui qui fait le péché ouvertement au regard de tout le monde. Celui-là, il n'a complètement plus de pudeur. Ça ne lui fait plus rien, le regard des gens, de le voir faire ce mal. Donc une personne qui a enlevé tous les voiles, c'est comme s'il a dit « Regardez-moi faire ce mal ». Y a-t-il une médisance interdite envers lui ? C'est lui-même qui fait ça. Il a enlevé tous les voiles. Ce n'est pas comme celui qui a fait un mal, il a glissé en cachette et il ne veut pas qu'on le sache. Il ne veut pas être dévoilé. Donc celui-là, d'aller parler sur lui, sur le mal qu'il a fait, là il sait d'une médisance derrière son dos. Mais l'autre, elle est où la médisance ? Il le fait au regard de tout le monde. Ou quelque chose de semblable, comme par exemple de faire de l'innovation ou d'appeler à l'innovation. Aïcha, dans ce hadith, la suite, Aïcha, elle dit au prophète, parce que le prophète, on toque à sa porte. C'est telle personne qui demande à rentrer. Il dit, quelle mauvaise personne que celui-là. Puis l'homme rentre et le prophète le reçoit bien, avec un sourire. Puis l'homme s'en va. Aïcha, elle dit au prophète, je ne comprends pas. Avant qu'il rentre, tu as dit que c'était une mauvaise personne. Et quand il est rentré, tu l'as bien reçu. Il lui a dit, oh Aïcha, parmi les pires des personnes le jour du mois dernier, sont ceux qu'on fait tout pour ne pas être touchés par leur mal. C'est-à-dire qu'on se comporte avec eux d'une manière, c'est-à-dire on se fait petit devant eux pour être à l'abri de leur mal. Et ça, subhanallah, il faut faire attention. Il y a des gens, tu ne veux pas entendre les grossièretés qu'il a, les insultes qu'il a. Donc tu te laisses faire. Tu cèdes exprès pour ne pas. Que cette personne, qu'elle sache que ça, c'est parmi les pires des personnes du Yawm al-Qiyamah. Que les gens font des efforts pour être à l'abri de son mal. Et il est dit que cet homme, il était chef dans sa région. Et il y avait des musulmans convertis chez lui. Et le prophète Salam se comportait bien devant lui, alors que c'était une personne mauvaise, pour ne pas qu'il se venge sur les musulmans qui sont chez lui. Subhanallah. Et il a dit donc, la pire des personnes, c'est celui dont on cède devant lui, on se rabaisse devant lui, seulement pour être à l'abri de son mal. قال النووي رحمه الله وفي الحديث مداراة من يتقى فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. Et l'imam النووي رحمه الله dit en commentaire de ce hadith, et dans ce hadith on voit qu'il y a la permission d'atténuer le mal qu'a chez une personne pour être à l'abri de son mal. Et la permission de médire sur le pervers qu'il fait la perversité ouvertement. Et de parler sur la personne dont les gens sont dans le besoin pour les mettre en garde contre lui. وَلَمَّا ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وأبا جهم رضي الله عنه خطباها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة ابن زيد رضي الله عنه. Dans ce hadith qui dans Sahih Muslim, Fatima bint Qais, une femme compagnon, radiallahu anha. Deux hommes viennent la demander en mariage, chacun de son côté. Elle n'a pas répondu, elle n'a pas donné de réponse favorable, ni à l'un ni à l'autre. L'un est venu la demander, un autre est venu la demander. Et c'est une femme qui n'a pas donné sa parole à un homme, elle est en droit de voir d'autres hommes en demande de mariage. Mais si ils ont donné leur parole, elle et sa famille, à un homme, personne n'est en droit de venir la demander. Jusqu'à ce que cet homme, il délaisse cette demande. Parce qu'il y a une promesse. Mais tant qu'il n'y a pas de promesse, il y a la permission. Même si tu sais que ton frère, il est parti la demander en mariage, mais tu es au courant qu'ils n'ont pas répondu, ils n'ont rien dit encore, tu es en droit d'aller la demander. Mais s'ils ont dit d'accord, c'est bon, on va voir à quelle date on va faire le mariage, et ainsi de suite, là, la porte, elle est fermée. Tu n'as pas le droit d'y aller, parce qu'elle est réservée. Mais si elle n'est pas réservée, tu as le droit. Donc, ne soyez pas étonnés, dans le hadith, deux sahabis ont demandé la même femme. Donc la femme, elle a eu la demande de Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu anhuma, et elle a eu la demande d'Abu Jahm, radiallahu anhu. Elle sait que c'est des compagnons, elle le sait. Elle sait que c'est des musulmans, elle sait qu'ils ont des qualités. Mais elle demande au prophète, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui lui échappe? Elle demande conseil au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle est venue le voir, elle lui a dit, un tel et un tel m'ont demandé en mariage. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, en ce qui concerne Abu Jahm, il a toujours le martinet sur son épaule. Les ulama ont essayé d'expliquer cette phrase, le fouet sur son épaule. Ils ont dit, on peut comprendre par là que c'est un homme qui fait beaucoup de voyages. Le martinet pour frapper sur la bête, pour qu'elle avance. Il est tout le temps en voyage. Il n'est pas souvent à la maison. Et d'autres ont expliqué que c'est quelqu'un qui a la main facile sur les femmes. Donc je te préviens. Et concernant Muawiyah, radiallahu anhu, c'est un pauvre, il n'a pas d'argent. C'est-à-dire, si tu crois qu'il a, il n'a rien. Il est pauvre, il n'a pas d'argent. Taïb. Wala shak. Il ne fait aucun doute que ces deux hommes, ils ont des vertus et ils ont des bienfaits. Mais là, c'est un moment de demande de conseil. Donc ce n'est pas un moment de faire les éloges, non. Donc, et c'est pour cela que c'est une règle. Quelqu'un qui vient vous demander... Un tel est venu demander ma fille en mariage. Tu le connais? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mashallah, c'est un frère super bien, il va à la mosquée, il fait. C'est pas ça qu'il t'a demandé. Parce que si c'était pas ça, il accepterait même pas dès le début. S'il l'a accepté, c'est qu'il y a une belle apparence qui arrive. Subhanallah. Il te demande, est-ce que tu sais des choses que moi je ne sais pas? Et à ce moment-là, ne fais pas le si on peut dire, le faux pieux. Non, je dis pas, non. Non, là, il t'est demandé de parler. Tu dis, écoute, si jamais tu sais des choses, tu dis. Si tu ne sais rien, tu ne sais rien. Mais tu n'as pas le droit de trahir tes frères quand ils te demandent conseil. Comme même quelqu'un qui veut s'associer avec quelqu'un. Tiens, viens, on se met ensemble, on ouvre une société. L'autre, il vient te voir. Tiens, un tel, il m'a demandé. Tu sais que c'est un escroc. Et toi, tu dis, non, je n'ai pas le droit de me dire sur lui, je dis rien. Non, c'est notre frère, il n'y a pas de problème. Ben là, tu as fait une erreur. Tu as commis un péché en faisant cela. Parce que ton frère, il est venu te demander conseil. Et tu savais des choses... Et tu ne l'as pas dit, et il peut subir un mal à cause de ton manque de conseil. Lorsqu'on vous demande conseil, eh ben vous devez de conseiller convenablement, ni plus ni moins. Vous dites ce qu'il y a besoin de dire. Et le prophète sallam savait que cette femme, elle cherchait quelque chose qu'elle ne savait pas. Et il lui a dit, lui il est comme ça, et lui il est comme ça. Alors qu'il ne fait aucun doute que ces gens ont des bienfaits et des vertus. Mais là c'est un moment de demande de conseil. On ne te demande pas plus que cela. وعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة. هند بنت عتبة رضي الله عنها c'est la femme d'Abu Sufyan ibn Harb رضي الله عنه et c'est la mère de معاوية رضي الله عنه. هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني ولدي ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف والحديث في صحيح البخاري dans ce hadith Hint bint Utba رضي الله عنها elle vient voir le prophète صلى الله عليه وسلم elle lui dit mon mari Abu Sufyan est un homme avare il donne rien il lâche rien et pour les besoins que j'ai pour ma personne et pour mes enfants, je n'ai que ce que moi je prends en cachette sans qu'ils me voient. pour subvenir à elle, pour elle-même et pour ses enfants, elle est obligée d'aller là où lui, il cache l'argent ou la richesse et elle prend ce qu'elle a besoin pour elle et ses enfants. Là, n'a-t-elle pas dévoilé un défaut? Oui. Abu Sufyan n'a-t-il pas des... Il a des vertus. Mais là, elle vient se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, mon mari, voilà ce qu'il fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a-t-il dit, non, tu n'avais pas à faire ça, ton mari, il a des vertus. Non, ce n'est pas le moment. Là, il y a un problème. Elle lui a dit, voilà la source du problème. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors, prends ce qui te suffit pour toi et tes enfants convenablement. Tu as le droit de prendre pour toi et tes enfants convenablement. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة. ابن حجر رحمه الله dit dans le commentaire de ce hadith et ce hadith a servi d'argument pour démontrer la permission de rappeler les défauts d'une personne, même si ça lui déplaît. Si c'est pour demander une fatwa ou pour se plaindre ou quelque chose de semblable. Et ça, c'est un des moments où la riba, c'est-à-dire la médisance, elle est permise. Parce que quand on détermine qu'est-ce que la médisance, c'est de dire sur ton frère ou ta sœur un mal qu'il n'aurait pas voulu écouter dans sa présence. C'est ça la médisance. C'est de parler derrière son dos, mais en disant un mal, quelque chose que lui, s'il était présent, il n'aurait pas été content. Et ça, c'est des choses, la personne, si elle était présente, elle n'aurait pas été contente. Donc c'est de la médisance. Mais là, c'est de la médisance qui est permise. Ce sont des points bien précis. فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذكرها للجانب السيء ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان وإنه لذو محاسن. Donc le prophète sallam n'a pas fait de réprimande, de reproche à Hind lorsqu'elle a cité que le côté mauvais d'Abu Sufyan. Et il ne l'a pas forcé et ne lui a pas réclamé de citer les bons côtés d'Abu Sufyan. Et qui sait qu'Abu Sufyan, il a des bons côtés. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خروج جرح رواة الحديث بالحق وبدع المبتدعة واجب شرعا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله il dit de critiquer les narrateurs du hadith en vérité et les innovations des innovateurs est un devoir religieux. وقال إل دي أوسي ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. Donc là c'est un passage qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc et il dit aussi et comme l'exemple des imams ou des maîtres de l'innovation parmi ceux qui se sont égarés dans les questions dogmatiques qui vont en contradiction avec le livre et la sunna, de clarifier leur état et de mettre en garde la communauté est un devoir. Et là-dessus, il y a le consensus des musulmans. Jusqu'à ce qu'il a été dit, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, l'homme, une personne, elle fait la prière, elle jeûne, et elle fait l'i'tikaf. C'est mieux pour toi? Ou alors, qu'il mette en garde contre les innovations, qu'il parle sur les innovateurs. Il dit, l'imam Ahmad, rahimahullah, si la personne, elle prie, elle jeûne, et elle fait l'i'tikaf, ceci, c'est pour sa propre personne, c'est pour lui-même, c'est lui-même qui en est gagnant. Mais s'il parle et il réfute, il met en garde contre les gens de l'innovation, alors là, il y a un bien pour toute la communauté, pour tous les musulmans, ceci est meilleur. Fabayyana, et on continue avec les paroles de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Fabayyana, anna naf'a hadha amun lil muslimin, Et il a clarifié, précisé que ce bénéfice pour tous les musulmans dans leur religion ressemble au combat dans le sentier d'Allah. إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. Car de purifier le chemin d'Allah, sa religion, sa voie et sa législation, et de repousser les transgressions de ceux-là, de ces innovateurs, de ces suiveurs de la passion et de leur attaque, cela est un devoir pour une partie de la communauté et il y a là-dessus le consensus des musulmans. وَلَوْلَا مَنْ يُقِيمُهُ اللَّهُ لِدَفْعِ دَرَ لِهَاُولَا لَفَسَدَ الدِّينِ. Et si Allah n'avait pas mis des hommes pour prendre cette tâche en main, alors la religion aurait été corrompue. وَكَانَ فَسَادُهُ أَعْظَمْ مِنْ فَسَادِ اسْتِلَاءِ الْعَدُوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ. Et cette corruption aurait été encore plus grave que l'entrée de l'armée des ennemis en terre d'islam. فَإِنَّ هَاُولَا إِذَا اسْتَوْلَوْ لَمْ يُفْسِدُ الْقُلُوبِ وَمَا فِيهَا مِنَ الدِّينِ إِلَّا تَبَعًا. Car ces armées ennemies de mécréants, quand ils rentrent en terre d'islam, ils ne vont corrompre le cœur, les cœurs des musulmans que plus tard, après avoir eu le dessus physiquement, et il se peut que des gens intérieurement les suivent. Mais ça viendra que plus tard. Alors que ceux-là, les gens de la passion et l'innovation, eux, dès le début, dès le premier moment, ils corrompent les cœurs. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.